Toujours à l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, les rendez-vous de souvenirs ont eu lieu en Norvège et en Tchèque, l'exposition de livres et de timbres coréens en Russie. Dans les salles de cérémonie se trouvaient les portraits souriants du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Les orateurs ont dit que le camarade Kim Il-sung est le fondateur de la Corée socialiste, le soleil du Juche qui reste vivant dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste du monde. Le rendez-vous tenu en Norvège a adopté une lettre à l'adresse du camarade Kim Jong-un. Par ailleurs, à la même occasion, les séances de films ont eu lieu en Russie, en Thaïlande, à Singapour et en Algérie.